nuit qu'on s'est quittés, nous deux, c'est bête. J'ai beau ce que je suis pas dans mon assiette. J'ai beau avoir des bijoux et de l'argent, je suis pas heureuse près de mon nouvel amant. Pendant je devrais trouver la vie meilleure. T'as pas remonté le fil à couper le beurre. Lui, c'est un beau gars, très intelligent. Toi, mon vieux, t'es plutôt moche. Et pourtant, c'est pas comme avec toi. En toi, il manque je ne sais pas quoi. Pourquoi, au favor bloc, quand il met nos dents de singe. Si tu me voyais, tu dirais mince de linge. C'est lui qui m'a appris ce body, le charme, son alchimie. Mais oui, oh, ce que je regrette en dansant tous ces trucs-là. Le soir, ou dans tes bras, je suis ma première Java. S'il a les idées à la rigolade, il s'explique drôlement, moi ça me rend malade. En me baisant la main, il me dit ce soir, si vous voulez, j'irai vous dire bonsoir. Oh, je sais bien que les femmes aiment la politesse. Toi, quand tu avais envie de tendresse, or c'était pas de ma main que tu t'occupais. Pour ce truc-là, il parle mieux que toi. Oui, mais c'est pas comme avec toi. Oh, toi, il manque je ne sais pas quoi. Pourquoi t'étais brutale et tu battais grande rose. Je t'en voulais pas, car j'étais ta petite gosse. Nous retournerons la robe nous pécoter dans les buissons. Viens, nous dorons encore tous les deux beaux jours. Tant pis si je suis fauchée, j'aime encore mieux l'amour.